الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Lors du dernier cours, on avait terminé le chapitre de la Talbiya, c'est ça ? طيب. Le chapitre de la Talbiya, on l'avait commencé la semaine dernière, on l'avait commencé et fini. Donc il y a le hadith à réciter alors. Le hadith d'Abdullah ibn Omar. Qui le récite? Mounir. Anna talbiyata rasulillah. نعم قال وكان لبيك لبيك وسعديك والرغباء نعم أحسنت بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله باب سفر المرأة بدون المحرم. نعم الحديث الثاني عشر بعد المئتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. Donc le chapitre du voyage de la femme sans mahram. Et ce chapitre, le nom de ce chapitre n'est pas présent dans Umdat al-Ahkam. Mais comme on l'avait vu dans le début du livre du Hajj, que les quatre premiers pas au début du Hajj, mais depuis le hadith 209, les quatre chapitres ont été nommés par Cheikh al-Bassam, rahimahullah. Le chapitre de ce que le muhrim porte comme vêtement, le chapitre de la talbiyah, le chapitre de les trois, et le chapitre du voyage de la femme sans mahram. Ces trois chapitres ont été nommés par Cheikh al-Bassam rahimahullah dans le but de donner plus d'éclaircissement au livre Umdat al-Ahkam. Donc ici il explique le hadith 212. Al-Hafid ibn Ghani al-Maqdisi rahimahullah cite le hadith 212 qui est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager la distance parcourue en un jour et une nuit sans qu'il n'y ait avec elle de mahram. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans des termes de Al-Bukhari, qu'elle ne voyage pas la distance parcourue en un jour, sauf en étant accompagné d'un mahram. Dans la première version, la distance parcourue en un jour et une nuit. Et dans l'autre version, la distance parcourue en un jour. المعنى الإجمالي المرأة مظنة الشهوة والطمع وهي لا تكاد تقي نفسها لضعفها ونقصها ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم. والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية يكون معرضا لفتن الشيطان ووساوسه. لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع الفاحشة وانتهاك الأعراض حرم الشارع على المرأة أن تسافر يوما أو يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأب وابن وأخ وعم وخال أو والد زوجها أو ابنه وإن نزل أو رضاع كأبيها وأخيها منه وناشدها. الشارع في إيمانها بالله واليوم الآخر إن كانت تحافظ على هذا الإيمان وتنفذ مقتضياته أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. Le sens général du hadith. La femme est convoitée. La femme est un être convoité et un être à travers lequel l'on recherche le plaisir. Et elle ne peut se défendre elle-même et se protéger elle-même de par sa faiblesse. Et nul n'a plus de jalousie envers elle que les personnes qui lui sont interdites au mariage. Ceux qui considèrent que de toucher cette femme revient à toucher à leur honneur. Et l'homme étranger, lorsqu'il reste seul avec une femme étrangère, eh bien, il est assujetti aux tentations du diable et à ses insufflations. Pour toutes ces mauvaises choses et ces choses dangereuses et mauvaises qui sont des moyens pour commettre la turpitude, connaître le mal et porter atteinte aux honneurs, l'islam a interdit à la femme de voyager un jour ou un jour et une nuit qu'avec la présence d'un mahram. L'islam interdit à la femme de voyager un jour ou un jour et une nuit sans être accompagnée de mahram. Wa huwa zawjuha. Qui sont les maharim? C'est son mari. Et les autres personnes qui lui sont interdites au mariage pour toujours. Qui lui sont interdits au mariage pour toujours, comme le père, le fils, le frère, l'oncle paternel, l'oncle maternel, ou le père de son mari. Autrement dit, le beau-père. Le beau-père est-il un mahram, oui ou non? Oui. Pour toujours, oui ou non? Toujours. C'est-à-dire que même si tu divorces de ta femme, ton père sera toujours un mahram pour ton ex-épouse. Vous saviez ça ou pas? Il peut rentrer chez elle, il peut aller voir ses petits-enfants, ça reste un mahram. Il est interdit à ton père de se marier avec ton ex-femme. Ou ibnuhu. Walid zawjiha aw ibnuhu aw ibn zawj, également le fils du mari. Une femme qui se marie avec un homme qui a déjà un fils. D'accord? Lorsque le mariage est consommé, le fils devient un mahram pour le fils du mari, devient un mahram de la nouvelle épouse, même si il y a un divorce par la suite. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de te marier avec une femme qui était l'épouse de ton père. Et ceci à jamais. Wa in nazal. Toi, tu n'as pas le droit. Ton fils également n'a pas le droit. Et ainsi de suite. Aw radaa. Également, ceux qui sont interdits par l'allaitement. Comme le père d'allaitement ou le frère d'allaitement. Et l'islam rappelle à la femme, lui rappelle sa foi en Allah et au jour dernier. Que si c'est une femme qui prend soin de sa foi et qui met en application les implications de cette foi, ce qui découle de cette foi, de ne pas voyager que lorsqu'elle est accompagnée d'un mahram. اختلاف العلماء وهي تكفي عن الاستنباطات لأنها تشتمل عليها هذه خلافات نجملها ولا نطيل بتفصيلها لمخالفتها نص الحديث الصحيح فقد اختلفوا هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم إذا كان ذا مال أو أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة الصحيح أنه لا يحل خروجها بدون محرم لأي سفر فتكون معذورة غير مستطيعة واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل إليها النفس هل تسافر بدون محرم أو لا بد من المحرم الصحيح الأخير لأن الحديث عام في كل امرأة ولا يخلو الأمر من محذور فلكل ساقطة لاقطة واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا ظاهر الحديث أنه لا بد من المحرم لأن غيرة المحرم ونظره مفقودان Puis il dit, rahimahullah, les divergences des savants. Il dit que les divergences des savants à ce sujet, au sujet du voyage de la femme sans mahram, que le cheikh, Cheikh al-Bassam, rahimahullah, va les citer de façon brève, sans rentrer dans les détails, car la plupart de ces avis sont contraires au hadith authentique. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la femme qui croit en Allah et au jour dernier ne voyage pas la distance parcourue en un jour et une nuit sans qu'elle n'ait avec elle de mahram. C'est un hadith qui est clair et un hadith qui est authentique. Donc il dit, rahimahullah, ils ont divergé, c'est-à-dire les savants, la femme qui a la possibilité de faire le pèlerinage sans mahram. Est-ce que la femme a la possibilité de faire le hajj sans mahram lorsqu'elle a les moyens financiers? Une femme qui est riche, une femme qui a les moyens de faire le pèlerinage, mais qui n'a pas de mahram, peut-elle aller accomplir le pèlerinage ou non? Il dit, rahimahullah, ou bien peut-elle accomplir le pèlerinage, ou bien la présence du mahram est-elle une condition pour pouvoir y aller? Il dit, rahimahullah, as-sahih, l'authentique, l'avis authentique, et qu'il lui est interdit de sortir sans son mahram pour quelque voyage que ce soit pour le pèlerinage ou pour autre que le pèlerinage. فَتَكُونُ مَعْذُورَةً غَيْرَ مُسْتَطِيعَ Elle est ainsi excusée, et elle n'est pas considérée comme ayant la capacité d'accomplir le pèlerinage. Autrement dit que, pour une femme, parmi les conditions d'accomplir le pèlerinage, la présence d'un mahram. Si elle n'a pas de mahram, elle est considérée comme n'ayant pas la possibilité d'accomplir le pèlerinage. Ils ont divergé sur la femme âgée. La femme âgée qui n'est pas recherchée, vers laquelle les personnes ne tendent pas. Autrement dit, qui n'attire pas. Est-ce qu'elle a le droit de voyager sans mahram ou faut-il obligatoirement la présence du mahram? La réponse est, il faut obligatoirement la présence du mahram. Car le hadith est général. Il englobe toutes les femmes. La tusafir al-mar'atu. Et dans tous les cas, la situation contiendra, ou ce cas-là ne sera pas exempte d'interdit. Les coulisses saqitatin laqita. C'est un proverbe qui est utilisé pour dire à la base que les paroles que tu vas dire, les erreurs qui vont sortir de ta bouche, il y aura toujours des oreilles pour les écouter. Autrement dit, fais attention à ce que tu dis. D'accord? Pourquoi ici le cheikh a cité ce proverbe? Pour dire que toi, tu n'es pas peut-être attiré par des femmes âgées, mais d'autres peuvent l'être. D'autres peuvent l'être attirés par des femmes âgées. Des hommes âgés qui sont attirés par des femmes âgées ou autres. Donc, autrement dit, il y a toujours possibilité que cette femme, même si elle est âgée, soit la proie d'un loup qui, justement, est attiré par ce genre de femme. C'est pour ça que Shir dit, falikul lisaqitatin laqita. Et ils ont divergé, est-ce qu'il suffit que la femme soit accompagnée par une présence sûre, qu'elle soit en présence de personnes sûres, dignes de confiance. Comme, par exemple, le mari de sa sœur, par exemple. Comme le mari de sa sœur, en général, est-ce que tu veux du mal pour la sœur de ta femme? Non. Donc, si tu voyages avec la sœur de ta femme, ce qui est connu, c'est que, voilà, tu es une personne de confiance, ce n'est pas toi qui vas lui faire du mal ou autre, d'accord? Ou de voyager avec une femme musulmane digne de confiance. Je ne pars pas seul, je pars avec une autre musulmane qui est digne de confiance. Autrement dit, s'il nous arrive quelque chose, je ne suis plus seul, mais je suis avec une autre personne, donc on pourra gérer la situation. La réponse est que ce qui apparaît du hadith, c'est qu'il faut obligatoirement un mahram. Car la jalousie du mahram et la vision du mahram ne sont plus présentes. Est-ce que le mari de la sœur, est-ce qu'il aura autant de ferveur? Est-ce qu'il donnera autant d'importance que si la femme voyageait avec son mari? Ou que si la femme voyageait avec son père? Ou que si la femme voyage avec son fils, ça ne sera jamais la même chose. Donc ici, le cheikh dit, car justement cette jalousie du mahram et cette vision ne sont plus présents. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت المرأة من القواعد اللائي لم يحضن وقد يئسن من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنها وهو إحدى روايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم إلا على وجه تأمن فيه ثم ذكر كل منهم الأمر الذي اعتقده صائنا لها وحافظا من نسوة ثقات أو رجال مأمومين ومنعها أن تسافر بدون ذلك فاشتراط ما اشترطه الله تعالى ورسوله أحق وأوجب وحكمته ظاهرة فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث وأباحوا لها السفر حين تكون آمنة نظروا إلى المعنى المراد وقالوا إنها مأمورة بالحج على الوجه العموم بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والذين أخذوا بظاهر الحديث المنع بظاهر حديث المنع في السفر قالوا إن الحديث مخصص للآية وله نظائر كحديث الغازي الذي خرجت امرأته حاجة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يدع الجهاد ويحج مع امرأته وغيره من الأحاديث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله a dit, lorsque la femme fait partie des ménopausées et qu'elle n'a pas de mahram, alors il lui est autorisé, selon la parole de certains savants, de faire son pèlerinage avec une présence, avec un accompagnement sûr. Et ceci est une des deux versions selon l'imam Ahmed, et c'est le madhab de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i, rahimahumullah. Et les savants sont unanimes qu'il est interdit à une femme de voyager sans mahram, illa ala wajhin ta'manu fi, sauf dans un cas où sa sécurité est assurée. Puis, Cheikh al-Islam a cité différents cas qu'il considérait comme faisant par comme qui sont considérés comme correspondant au fait que la femme soit en présence sûre et qu'elle soit préservée lorsqu'elle est accompagnée, par exemple, de femmes dignes de confiance ou lorsqu'elle est accompagnée d'hommes dignes de confiance, et l'interdiction pour la femme de voyager si cela n'est pas respecté. Puis, Cheikh al-Bassam dit, rahimahullah, le fait de conditionner ce qu'Allah et son prophète ont conditionné est ce qui est plus véridique. Et c'est ce qui est le plus obligatoire et c'est ce dont la sagesse est plus apparente. Ceux qui ont contredit ce qui apparaît du hadith et ont autorisé à la femme de voyager lorsqu'elle est en sécurité, ils ont regardé le sens du verset où Allah Azza wa Jalla dit « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » Allah a rendu obligatoire pour les gens le pèlerinage de la maison pour celui qui a la possibilité de s'y rendre. Et ils ont dit que la femme, il lui est obligatoire d'accomplir le pèlerinage de façon générale. Ils ont dit donc la femme, il est obligatoire d'accomplir le pèlerinage de façon générale. Donc, si sa sécurité est assurée, alors elle peut partir. C'est l'avis de certains savants, de ceux qui n'ont pas pris ce qui apparaît du hadith. Les autres qui ont pris ce qui apparaît du hadith ont dit que le hadith vient restreindre le verset. Allah a ordonné aux gens d'accomplir le pèlerinage, donc c'est le hadith, le verset général, il est venu et il a été précisé par le hadith, sauf les femmes qui n'ont pas de mahram. D'accord? Ils ont dit que le hadith vient spécifier le verset. Le verset général, il ordonne aux gens d'accomplir le pèlerinage pour ceux qui en ont les capacités, et le hadith vient donner une exception à condition que la femme ait un mahram avec elle. Et ils ont dit qu'il y a d'autres hadiths semblables qui prouve cela, notamment le hadith de cet homme qui est sorti participer à une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa femme, au même moment, est partie accomplir le pèlerinage, seule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de délaisser le jihad et d'aller accomplir le pèlerinage et d'aller accompagner et accomplir le pèlerinage avec sa femme. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un homme d'arrêter le jihad, le combat dans le sentier d'Allah, pour aller accompagner sa femme et accomplir le pèlerinage avec elle. واختلفوا في تحديد السفر تبعا للاختلاف الاحاديث فمنها يوم ويومان وثلاث ليال وليلة وبريد والأحوط أن يؤخذ بأقلها لأنه لا ينافي ما فوقه ويكون ما فوقه قضايا عين حسب حال السائل والله أعلم. Ils ont divergé sur la durée du voyage ou la définition du voyage. Ceci car il y a plusieurs versions. Ici, l'auteur a cité deux versions. Une version qui parle d'un jour et une nuit, et l'autre version qui parle que d'un jour. Il y a d'autres versions qui parlent de trois nuits, d'autres versions qui parlent de une nuit, et d'autres versions qui parlent de barid. C'est quoi le barid? Non. Barid, c'est nisfu yaoum. C'est la moitié d'un jour. Donc les savants ont divergé car les versions également sont nombreuses. Donc certains vont prendre les trois nuits, d'autres vont prendre les un jour et une nuit, d'autres vont prendre un jour, etc. Et Cheikh al-Bassam dit, et le plus sûre est de prendre la plus petite durée. Et la plus petite durée rapportée, c'est la moitié d'un jour, le balid. لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا فَوْقَهُ. Car, en prenant en compte la plus petite durée, cela ne contredit pas les autres. Quand tu dis la moitié d'un jour, est-ce que tu contredis un jour? Non, parce que la moitié, elle est comprise dans le un jour, etc. Par contre, si tu dis un jour et une nuit, et tu ne prends pas en compte la moitié d'un jour, c'est-à-dire que tu vas autoriser à la femme de voyager pour moins d'un jour et une nuit, alors que il y a des hadiths qui parlent de une demi-journée. Donc, le fait de prendre en compte le plus petit ne contredit pas le plus grand. Mais de prendre en compte le plus grand va contredire le plus petit. Et tout ce qui est au-dessus sont des cas particuliers. Tout ce que le plus petit est la base sur laquelle on se base, et le reste, toutes les autres durées ou toutes les autres distances, eh bien, concernent des cas particuliers. Et les cas particuliers ne sont pas une règle. ظاهرةٌ محزنة إذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة والآداب العالية والغيرة الكريمة والشهامة النبيلة والمحافظة على الفروج والأعراض وحفظ الأنساب وجدت كثيرا من المسلمين قد نبذوا دينهم وراءهم ظهريا ومرقوا منه وصار التصون والحياء ضربا من الرجعية والجمود أما الانحلال الخلق وخلع رداء الحياء والعفاف فهو التقدم والرقي فإن لله وإنا إليه راجعون. Puis, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, termine en disant un constat malheureux. Lorsque tu compares l'état des musulmans de nos jours avec ces textes authentiques, qui renferment les comportements les plus méritoires, qui font preuve ou qui contiennent la grandeur d'âme, des hadiths et des textes religieux qui ont pour but de protéger les honneurs et de protéger les descendances. Pourquoi on dit protéger les descendances? Pourquoi? Parmi les méfaits de la fornication, il y a quoi? Ikhtilatul ansab. Le fait que les progénitures se mélangent. D'accord? Tu as forniqué avec une femme, elle est tombée enceinte de toi. Donc ici, tu as un enfant que tu n'as pas voulu. D'accord? Et tu vas mélanger des lignées qui ne devaient pas se mélanger. Donc, parmi les méfaits, c'est le fait que les lignées se mélangent. Les milliers se mélangent. Tu vas voir un homme, il a 15 enfants. 15 enfants issus de la fornication. Sa lignée, elle est partie. Une lignée qui, peut-être au début, était noble, ne l'est plus maintenant. À cause de quoi? À cause de cet interdit. Tu te maries avec une femme que tu veux, dont tu es agréé la religion et le comportement, et de cette union découle une progéniture, une lignée, une descendance, et c'est ainsi que le musulman préserve sa lignée et sa descendance, et non pas une lignée, une descendance qui est mélangée de toutes parts, wal'iyadhu billah. Donc tous ces textes qui ont pour but de protéger les musulmanes, de protéger les honneurs, de protéger les lignées, en comparant tous ces textes avec l'état actuel des musulmans, l'on constate malheureusement que les musulmans prêtent peu d'attention à leur religion. Et le fait de se protéger, le fait de faire preuve de pudeur, le fait de préserver son honneur est considéré comme une chose arriérée. est considérée comme une chose archaïque qui n'est plus à l'ordre du jour. Quant aux déviations, quant aux comportements mauvais, quant au fait d'être démuni de toute forme de pudeur, de toute forme de chasteté, cela par contre est considéré comme quelque chose d'élevé. Cela est considéré comme une personne qui est intelligente, une personne qui a de bonnes valeurs et une bonne morale, wal'iyadu billah. Fa'inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.